Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire préférée Cult My Vibe. Aujourd'hui, Cheyenne et moi-même recevons Naïla, Marie et Florian pour tout connaître de l'actualité musicale et du monde du cover. J'adore les covers, surtout quand ce sont de belles surprises parce qu'il arrive que l'interprétation d'une cover nous touche beaucoup plus que l'interprétation originale. Et puis enfin un peu de musique dans Cult My Vibe, j'ai envie de te dire. Et oui, la chronique d'aujourd'hui est faite pour celles et ceux qui veulent écouter les meilleures covers du moment. Super, on a hâte d'écouter ce que nous ont préparé nos invités du jour, on leur laisse donc bien volontiers la parole. Salut tout le monde, aujourd'hui arrêt sur l'actu musique avec les derniers scoops à savoir, un tour vers la playlist cover de la semaine et destination finale vers les coups de cœur cover. Alors on commence avec toi Naïla. Alors, cette semaine, dans la rubrique Actu People des stars de la chanson, on a Selena Gomez et Justin Bieber de nouveau en couple. En effet, des photos des deux tourtereaux ont été publiées sur les réseaux. On a aussi Queen Bee, bien évidemment Beyoncé, qui enflamme la toile à l'occasion d'Halloween en postant des photos d'elle déguisée en Lil' Kim, une icône du hip-hop américain. On nous parle également sur le net du tube Despacito de Luis Fonsi, titre qui a créé le buzz cet été et encore maintenant d'ailleurs, car on compte à ce jour plus de 4 milliards de vues sur YouTube. Il détient donc le record. Mais l'événement qui fait sans aucun doute le buzz en ce moment, c'est bien les Energy Music Awards qui se sont déroulés le week-end dernier. Marie, dis-nous tout. Et oui, samedi 6 novembre, c'était la grande cérémonie qui a démarré avec Ed Sheeran, mon petit chouchou, qui a repris son tube Shape of You avec Soprano. Je vous fais écouter parce que ça vaut vraiment le détour. Alors, vous en pensez quoi? Ed Sheeran, toujours le même au top. Moi, j'ai kiffé. Moi aussi, c'est mon chouchou. Et voilà. Aussi, ce qui est bien avec l'Energy Music Awards, c'est qu'on peut voir quel chanteur sait chanter et les casseroles. Par exemple, Luan, elle a fait que des fausses notes du début à la fin, mais bon, elle a quand même remporté le prix de la meilleure artiste francophone. Au niveau des récompenses francophones, on a aussi Big Flo et Oli, qui ont gagné le prix du meilleur duo groupe. Lisandro Cooksy pour la révélation de l'année, Soprano pour le meilleur artiste masculin, Cooks pour le meilleur DJ et Amir avec On dirait pour la meilleure chanson de l'année. On pouvait trouver mieux quand même. Alors il y avait On était beau de Louane, Je m'en vais de Vianney, Roule de Soprano, Chocolat de l'artiste et Ella de Kinvi. Vous auriez choisi laquelle? Moi sans hésiter Chocolat. Bah oui, bien sûr. Moi Chocolat c'est tout ce que j'ai pas aimé du tout cette année. Je pense que c'est la pire chanson de l'année. Non, je suis pas d'accord du tout avec toi. Pires. Mais j'aurais pas su choisir, j'aurais par défaut Soprano, ouais. De toute façon c'est par défaut là. Ouais, par défaut dans la fond. Soprano. Bon bah au niveau international, alors la chanson de l'année. C'était laquelle, sans surprise? Despacito. Après, au niveau international, pour les groupes et duos, c'est Imagine Dragon qui a gagné, Selena Gomez pour l'artiste féminine, Dragon Ball Man pour la révélation de l'année. Je sais pas vous, mais je suis assez quand même d'accord avec ces récompenses. Ouais, pour Selena Gomez, ouais, je suis d'accord. Mais après, je suis pas trop... Dragon Ball Man quand même. Quand même, c'est ouais, vrai. C'est... Il y a mieux. Donc, on finit l'actu avec Flo qui rentre dans le vif du sujet, les covers. Vas-y, à toi, Flo. Les covers, ouais, donc souvent négligés, les covers, et pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui en sont ressortis. Des covers, donc le plus célèbre, vous le connaissez toutes, c'est Justin Bieber. Donc, je vais vous laisser écouter un extrait de lui où il avait à peine 12 ou 13 ans, où il reprend le fameux titre célèbre de Chris Brown, With You. Hello, I'm with you. Donc suite à ça, il a été approché de très près par Usher et Justin Timberlake, donc tous les deux voulaient le produire. Et donc c'est Usher qui a gagné la compétition entre guillemets, il lui a proposé sûrement plus d'argent. Et voilà, Justin Bieber est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans sa globalité, de Justin Bieber en tant qu'artiste, en tant que sa carrière, tout ça? Bah déjà au niveau de la vidéo, il a vraiment une tête et une voix de bébé. Bébé Bieber a bien grandi. Mais bon, il peut pas égaler quand même la version originale de Chris Brown, je trouve. Parce que c'est Chris Brown. C'est un autre débat. Exactement. Moi, je trouve qu'il a bien percé. Il était très jeune lors de son premier cover. Il a maintenant beaucoup changé. Et je trouve que c'est une belle progression. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai entendu dire, ou j'ai vu sur Internet, qu'il voulait arrêter de faire des concerts pour se consacrer à sa vie spirituelle. Donc voilà, je trouve que c'est bien dommage. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bon, un autre artiste aussi, qui a un parcours plus particulier. Donc lui, on l'a comparé pas mal à Justin Bieber aussi. Ils ont commencé à peu près dans les mêmes années. Il s'appelle Connor Menard et il a fait énormément de covers sur son compte YouTube. Il y en a plus d'une centaine. Aujourd'hui, il a 6 millions d'abonnés sur son compte. Donc on va écouter un extrait qu'il avait fait. Donc c'était une reprise de Bruno Mars, The Way You Are, je crois. Ouais, donc je vais lancer l'extrait. Excusez-moi, j'ai dit The Way You Are, mais c'était plus Just The Way You Are. Voilà, donc ensuite, suite à ça, il a fait beaucoup d'autres musiques, mais il a été approché par Pharrell Williams, qui a voulu le produire. Donc, il a fait des morceaux connus comme Can't Say No, et aussi Turn Around, un featuring avec Ne-Yo, qu'on va écouter aussi tout de suite. Alors lui, je vous disais qu'il a un parcours très particulier parce que suite à sa brève carrière, elle a duré un an et demi à peine à faire quelques clips par-ci par-là, il est retourné sur YouTube. Donc actuellement, il est plus actif sur YouTube, il balance très souvent des covers qui marchent vraiment super bien. Donc comme je vous disais, il a 6 millions d'abonnés, donc ses covers, elles atteignent quasiment des 80 millions de vues et c'est vraiment de qualité, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez sur le peu que vous avez entendu, les filles. Bah, ce mec est trop fort. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Ah. En plus, reprise de Bruno Mars. Que demander de mieux? Par contre, il fait vraiment penser à Justin Bieber, je trouve. Ouais. Même physiquement. Ouais, on les comparait souvent. Ouais, et je trouve ça dommage, par contre, parce qu'il reprend pratiquement que des hits du moment, enfin, des chansons qu'on connaît déjà beaucoup. Ouais. Et j'aimerais bien le retrouver sur des chansons un peu moins connues. Ouais, c'est vrai. Il devrait se lancer carrément dans ses propres musiques à lui. Ouais, mais justement, je trouve que les peu de musiques qu'il faisait de lui-même, limite, elles sont pas mieux que ses covers, quoi. Il est pas très fort. Hein. Ouais, non, mais il chante bien, mais ses propres musiques, je sais pas. Ouais, j'ai un artiste à reprise, quoi. Ouais, voilà, il est bon qu'à... qu'à faire des reprises. Il est bon qu'à ça. Donc, ouais, bref, maintenant, on va venir un peu en France. Donc un artiste s'appelle Mike Kenley, ça doit rien vous dire comme dit comme ça. Donc un chanteur de R&B qui a fait quelques sons, vite fait il s'est essayé un peu à la musique, on va vraiment dire ça parce que sa carrière elle a pas du tout prise. Donc je vais vous passer un extrait, ça s'appelle Laisse-moi une chance. Donc les filles, voilà l'extrait, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ça? Ça vous rappelle des souvenirs? Ah bah ça date, hein, je devais être en primaire quand c'est sorti. C'est ouf. Bah du coup, ouais bah bof hein. Bof. Ouais bof aussi, j'aime pas tellement. En plus ça date vraiment, donc je m'en rappelle pas trop. Ouais c'est clair, mais le plus surprenant du coup c'est que lui, il est réapparu sur YouTube récemment avec une troupe de comédiens, de youtubeurs que vous devez sûrement connaître aussi, ça s'appelle le Whoop. Il y a notamment Mr. V, le plus célèbre des youtubeurs, celui que je kiffe vraiment aussi. Moi aussi, je kiffe. Ouais, il est super. Donc il est réapparu dedans, mais il chantait pas tellement. Il s'est remis à chanter justement par rapport à ça, quand il a constaté la force de YouTube, je pense. Donc il s'est mis à faire quelques covers où il reprenait plusieurs sons, plusieurs artistes, et c'est vraiment pas mal. Je vais vous passer un extrait tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé alors du coup? Moi, je trouve que c'est merveilleux à entendre. Wow. J'aime beaucoup. C'est des musiques plus récentes et c'est les musiques que j'écoute en plus, donc j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Et toi, Marie? Bah moi, Marie n'aime pas ce genre de musique. Mais en tout cas, ça change du son qu'il a sorti la première fois. Ouais, je sais. Non, mais je trouve que c'est mieux. Ouais, et pour une fois, c'est du français, un français à l'honneur. Ouais, tu vois. Non, il faut avouer qu'il a une, enfin, il a une voix quand même, malgré qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a une voix douce. Il sait chanter. J'aime bien. Et là, il est complètement ouf. Voix douce et tout. Donc, ouais, ben, pour finir dans tous mes covers, là, on reste en France. Donc là, c'est une artiste, elle. Je comprends un peu moins son succès, mais je vais l'expliquer. Donc, elle s'appelle Lina Mayem. Donc, elle a repris un titre de Booba. Ça s'appelle 9-2 Yveron. Donc, elle a sorti un clip. Donc, elle a changé un peu le rythme et tout. Elle a sorti un clip qui a vraiment plus marché que celui de Booba avant même qu'il sorte son clip. Donc, je vais vous laisser écouter pour l'instant. On verra ce qu'on en pense. Ce que vous en pensez. Pardon. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodales. Je finirai que au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Voilà, qu'en pensez-vous? Oh là là, j'aime pas du tout ce genre de musique. Oh là là, au moins ça passe. J'aime bien. Ouais, t'adores. Ouais. Ouais, c'est pas dire qu'elle adore, mais ouais. Moi, en plus, je suis pas fan du tout. Mais apparemment, ça a bien marché pour elle. Après ça, elle a fait pas mal de showcase en boîte de nuit où elle reprenait cette chanson-là. Et elle a aussi fait d'autres clips avec d'autres chansons. Et là, c'était les scènes. Et pour moi, c'est un peu plus gênant. Même les clips, je vous mettrai des liens pour que vous alliez le voir. Parce que c'est un peu gênant à regarder. Il y a un titre qui s'appelle Tiens ça. Donc, je vais vous faire écouter un petit extrait, là, vite fait. Fais les choses bien, ce que tu dis tu ne fais pas, donc parler ça sert à rien. Tu veux prouver quoi à des gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'aiment pas, poteau, qui ne t'aiment pas, qui ne t'aiment pas, qui ne t'aiment pas. Tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, allez tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais laisser Marie vous présenter les covers de la semaine. Alors, en numéro 10, on a Perfect de Ed Sheeran, repris par Simoli, un groupe de filles américaines. On écoute un extrait. Enfin, un cover d'Ed Sheeran qui n'est pas la copie exacte de l'original. On est vraiment dans l'ambiance feu de camp des films américains avec ces filles, un peu à la Hit Girl. Alors, vous en pensez quoi? Alors moi, je ne suis pas du tout fan de ce genre de cover. Ben moi, j'ai aimé leur voix, mais je préfère clairement la version d'Ed Sheeran quand même. Elle est largement mieux. Ouais. C'était pas utile, je trouve que c'est une cover un peu inutile. Mais ça change parce qu'elles l'ont refait un peu à leur sauce. Mais sinon, moi, je trouve que ça change trop, alors du coup, j'aime pas trop. Ça change trop. Voilà. Alors après, en 9, on a Wolf de Selena Gomez, repris par Joy Frost, une jeune auteure-compositeur allemande. On écoute. Been running through the jungle, I've been running with wolves to get to you, get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you. I looked for love and never strange, took too much to ease the anger off of you. Vous trouvez pas que sa voix nous fait voyager? Je pourrais écouter ça à longueur de journée, ça détend, t'as juste envie de fermer les yeux et de penser à rien. Ah bon, Marie? Moi, je n'aime pas trop non plus celui-là. T'aimes rien, c'est pas possible. Oui, j'aime rien, tu vois. Absolument rien, c'est incroyable. Si, j'aime des choses. Mais franchement, moi, j'ai... J'écouterai pas tous les jours, mais en fonction de mon humeur, ouais, pour se poser, c'est cool. Mais j'ai bien aimé, franchement, j'ai même préféré à l'original, parce que l'original, elle bouge beaucoup plus. Et je sais pas, j'aime pas trop Selena Gomez déjà à la base, donc je trouve que la version là, elle est mieux. Numéro 8, What About Us de Pink, repris par Duke Patton. On écoute. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disasters? What about love? What about trust? What about us? Alors, pareil que le cover précédent, sa voix nous fait voyager, même si je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à l'original. Je sais pas vous, mais j'ai eu vraiment des frissons en l'écoutant. Ouais, moi c'est pareil. Celle-là, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'ai bien aimé celui-là, franchement il était vraiment bien. Après, moi j'adore Pink, je préfère quand même la version de Pink, mais lui. Moi j'aime beaucoup aussi celle-là. Ouais, il a bien géré le cover, franchement c'était bien. Alors, en place 7, c'est Glorious de Macklemore avec un cover de Rob Jara. I got a new attitude and a lease on life, it's a peace of mind. Sleep can I find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got a kiss to the rock. Yeah, I'm straight. I'm on my way. Yeah, get out my way, I'm running late. What can I say? Alors, je suis pas vraiment fan de ce cover, mais j'avoue que c'est l'un des seuls covers qui nous emmène plus loin que la version originale. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'en suis fan. Tout à fait d'accord. Moi, en fait, j'ai beaucoup aimé justement l'autre rythme. Je trouve qu'il a pas gâché la chanson du tout. En général, je trouve que les covers, quand ils changent le rythme, ça gâche un peu la chanson. Oui. Et lui, il a vraiment, en plus il a une bonne voix, il sait bien rapper et tout. Non. Je dis 10 sur 10. Je chante très bien. Ah, pour une fois, t'aimes quelque chose, ça, ça commence à je suis fan une... de Macklemore, donc... Ah ouais. Voilà. Alors, en 6, c'est Unforgettable de French Montana, repris par Connor Meyer et Swae Lee. Connor Ménard. Connor Ménard, tu dis quoi, Meyer? Ouais, oh là c'est pas grave. Not for me, not being here with you. It's not gonna work for me. Nobody can equal you. I'm gonna sip on these drinks and I'm fucked up. Though I know that won't help me. I'm trying to think about if you were here with me, why would you tell me? And even though I know you're gone, I'm not alone. Last night I saw you in my dream. Every single night I can't wait to fall asleep, hey. Cause you are unforgettable. Why'd you have to go? Alors pour ce cover, il faut vraiment aller voir le clip. Parce que le mec il est vraiment à fond dedans quand même. Heureusement que j'ai entendu la musique sans voir la vidéo, parce que ça gâche tout quand même un peu, hein. Ouais, franchement, dès le début, la musique a commencé à peine, tu vois qu'il est à fond dedans, il plisse ses sourcils et tout, mais je vais pas trop, je vais pas trop l'insulter, parce que Connor Ménard, moi je le kiffe, j'en ai parlé tout à l'heure, et franchement, j'aime bien la cover, super voix, et voilà, Neila, peut-être un avis positif. Plutôt négatif. Quel miracle. Plutôt négatif, parce que je n'aime pas trop ce cover, hein. Voilà. Moi je suis difficile. Pourtant il y avait une partie un peu. Ouais, mais strip. Là c'était pas trop. Non, pas ça marche pas. Alors la 4. Ah non, j'ai oublié la 5. Ouais. Pour la 5, c'est Dust Till Dawn de Sea et Zayn. On a deux super covers. Je vous fais écouter le premier de Romy Was. On the run, let's make love tonight. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Et le deuxième de Davina Michel. Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. The sunrise and your sins, just me, you light it up on the right. Let's make love tonight. préférez lequel? Moi, le premier. Ah ouais, pareil. Sans hésitation. Rarement en accord avec Neila, mais là... là. Pour une fois d'accord. Ouais, Romy, c'était Romy, je sais plus comment, mais j'ai préféré elle que Davina Michel. Largement. Alors, la 4, c'est Havana de Camila Cabello. Ici, on a un cover d'Alexia Ono. Super les noms. En duo avec Dia, un peu spécial, il reprend 3 chansons en une. Havana, Mirante et Hype Don't Mash Up. Là, j'arrive pas. Là, cette phrase, elle est trop longue. Cette phrase, elle est trop compliquée. Bon, on va écouter. Je t'en veux pas, je l'ai. Pas du tout. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Oh. Ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh no no no. I never really knew that she could dance like this. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, tu casa. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Bon bah on est tous d'accord que c'est un super cover hein. Exactement, ouais, franchement, tout le monde valide. C'est comment déjà son nom Tu le fais exprès? Non mais parce qu'en plus je le kiffe de ouf mais j'ai plus son nom mais... Attends, je vais essayer. Alexiano. Parfait, voilà, merci. Ah, bah, j'attendais Neila mais... Bref, ouais non franchement super cover, super bien et le mashup il est vraiment réussi. Et même le clip, très marrant. Ouais, je vous conseille d'aller regarder. C'est vrai. Alors on arrive au top 3. Alors, en 3, on a Mirante de Jean Balin et Willie Williams par Belén Aguilera. Je vous laisse écouter, on en parle après. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Tu música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Alors dites-moi tout. Moi je trouve qu'il est pas mal. Ouais. Enfin ouais, pas mal juste y a sans mieux, plus quoi. Mais genre juste envie passe. De dire bien, c'est juste quand tu mets genre, ouais. Bien, ouais, bien en mode 10 sur 20, tu vois. Ouais. C'est correct quoi en fait. Dans c'est la correct, moyenne quoi. Ouais ouais. C'est pas ni nul ni trop bien, tu vois, c'est sans plus quoi. Ouais, sans plus. Il manque un petit. Ouais, il manque un gros même. Ouais. Alors, en 2, on a Catchy de Fenback, repris par Irene Toranova. Encore un nom compliqué. On écoute. She give me catchy. All night long. She give me catchy. Pour cette musique, il n'y avait pas beaucoup de reprises, mais je crois même que c'était la seule. Vous en pensez quoi? J'ai juste envie de dire original. Ah, oui. C'est clair. Original, mais après, c'est pas forcément mon style et tout, donc j'ai pas forcément trop kiffé la cover. Mais la cover, elle est bien, mais c'est pas... C'est comme tout à l'heure. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Ah, je commence à me répéter un peu trop. Neila. Je suis pas trop fan de sa voix. Ah bah voilà. Après, chacun ses goûts. Hein. On retourne dans les avis négatifs de Neila. Ça fait longtemps, ça manque. Alors, et enfin, la number one, c'est Rockstar de Post Malone par Andy. Encore des noms compliqués. Sixel et Nick Nocturnal. Là, on est vraiment dans un changement d'univers. On écoute. I've been talking hoes and popping blues, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fuck it, we pick up on energy and you're up, needing the shot toss. When my homies pull up on your block, we make them think I'm like the doctor. Alors, comme je vous l'avais dit, on change vraiment d'univers. Alors, ce genre de musique, de style, ça décoiffe, mais c'est pas du tout mon style. Ouais, moi, c'est pas le mien non plus, franchement. Je peux même pas dire que j'aime, parce que c'est pas mon univers, je le connais pas du tout et j'ai pas trop envie de le connaître non plus. Et franchement, j'aime bien, j'aime assez bien la version originale. Ouais. Et là, je trouve que pour le coup, du coup, la cover, ça l'a complètement gâché en fait. Bah, le métal, c'est difficile à écouter pour moi. Ouais. J'aime pas du tout. Et ouais, encore, c'est pas vraiment du. Enfin, ouais, c'est du métal là. Enfin, c'est pas vraiment le. Ouais, je sais pas, j'écoute pas trop ce domaine là. Moi, je connais pas trop non plus. Moi, c'est genre. Mais déjà, ça. C'est la limite. Déjà, c'est la limite. J'ai pas dépassé là. De ouf. Et on termine avec les coups de cœur cover de Neila. Et oui, j'aime quelques covers hein, quand même. Alors je vais partager avec vous les covers que j'aime particulièrement. Donc le premier cover dont je vais vous parler a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Il s'agit de Samantha Harvey qui a repris la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston. Sa voix est merveilleuse, c'est une magnifique reprise. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. But I know. I think of you every step of the way, and l'original, mais n'empêche qu'elle a une super voix. Elle est connue dans le monde des covers, non? Je crois. Ouais, elle est très connue. Je la connais pas du tout. Parce que j'ai déjà vu avant. Mais ouais, moi j'étais super surpris, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Mais vraiment, franchement, Neila, voilà, je te lance rarement des fleurs. J'envoie du lourd. Ouais, là c'est très très lourd. Et en plus, c'est le petit point culture, mais I Will Always Love You, j'ai appris ça récemment, c'est pas Whitney Houston qui l'a chanté. Genre, ouais. C'est une reprise, ouais. Elle l'a repris elle-même d'une autre femme. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais voilà. J'ai hésité à l'ouvrir en fait. J'ai hésité à le dire ou pas. Je me suis dit, on va me poser des questions et tout. Mais voilà, c'est un truc que vous devriez savoir. Je trouve ça cool. Mais ouais, super cover en tout cas. Bien vu, Neila. Donc, le deuxième cover est un cover qui a percé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est la reprise de If I Were a Boy de Beyoncé par Christina Sladek. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. C'est un cover que j'ai découvert il y a plus d'un an sur Facebook, donc j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, bah déjà, c'est ma chanson préférée de Beyoncé. Là, c'est vraiment un cover nature, genre la fille sans prise de tête, elle swim en faisant ses devoirs. Donc elle sort ça comme ça avec une super voix, donc je trouve ça pas mal quand même. Ça change. Comme tu dis, ça change des autres covers où les gens, tu sens qu'ils sont préparés, ils se filment et tout, mais là, elle a été filmée à l'improviste. Et elle envoie vraiment du lourd, genre c'est impressionnant, elle a une vraie voix. Ça dure pas très longtemps, mais le peu qu'on entend, c'est impressionnant. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors je vais terminer par un jeune garçon qui a fait une fabuleuse reprise de la chanson Feline d'Alicia Keys lors de The Voice Kids 2016 en Allemagne. Alors je vous laisse écouter. En écoutant, on pourrait vraiment croire que c'est une fille. Donc sa voix est vraiment impressionnante pour moi. Je sais pas si c'est pour vous. Ouais, il est vraiment impressionnant. En plus, ce petit, c'est lui qui joue du piano. T'as raison, on dirait vraiment qu'il a une voix de fille. Mais bon, j'espère pour lui que quand il va grandir, il va pas la perdre. Ouais, non, j'avoue. Mais moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est surtout son âge. En fait, quand t'entends la voix qu'il a, tu te dis waouh. Mais en plus, c'est lui qui joue du piano. Ouais, aussi, ouais, du piano comme ça à cet âge-là, c'est impressionnant. Franchement, une bonne cover. Ouais, faut aller voir la vidéo. Ouais, ça va, faut aller la voir. Incroyable. Donc, merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et on espère vous avoir fait découvrir des sons, des bonnes covers et d'avoir enrichi votre playlist. Prenez surtout les miennes. Ouais, ça, surtout les tiennes, Leïla. Non, j'avoue, t'en avais des pas mal aussi. J'avoue, je vais pas trop critiquer. Et voilà, voilà. Un petit mot à dire au revoir, je sais pas. À bientôt. Un truc qui sache qu'on est tous ensemble. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous.